ninggalan sekolah umi padangnya sangga. Aku mah budak kamu enggak nanya mana aku cuma nama tangan kau kemana. Ya aku jago juga bukan juga nunggu juga juga mana. Bonsoir tout le monde. Je ne serais pas surpris, je ne serais pas non plus déçu de l'audience qui va être très faible ce soir car beaucoup d'entre vous travaillent et ensuite je crois qu'il y a un problème de connexion internet au niveau du Gabon suite à ce que nous connaissons, ce qui s'est passé lundi. Je ne sais pas si la connexion a été remise, si Internet a été remis afin que tous les Gabonais puissent se vaquer à leurs occupations sur les réseaux sociaux et s'informer les uns les autres, car c'est l'un des moyens les plus moins chers. Mais toujours est-il que là, il est déjà 21h15 au Gabon. 21h15 en France et 15h15 au niveau des États-Unis et du Canada. Bonsoir pour tous ceux qui sont présents. Je vais donc tout de suite démarrer notre sujet du jour. La complexité de Dieu. La complexité de Dieu simplifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Les religieux peut-être ne mettent pas trop de complexité. Bien que parfois c'est difficile à partir du concept selon lequel Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit est tous le même Dieu. Voilà ce genre de théorie parfois qui rend la compréhension d'un simple commun des mortels, ça rend la compréhension de commun des mortels un peu compliquée. Parce que quand vous allez lui dire que Dieu c'est Jésus, Dieu c'est l'Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint. Et quand vous cherchez à approfondir sur cette compréhension, on vous dira non, c'est un mystère, il faut accepter ça comme ça, c'est un mystère. Ce soir donc, je vais tenter en une heure venir justement percer ce mystère, parce qu'il n'y a rien de mystérieux. C'est pour cela que nous sommes initiés. C'est pour cela que nous sommes là, pour informer, pour vous éduquer. Voyez-vous, il n'y a aucun mystère autour de Dieu. Le véritable mystère, c'est quand vous vivez dans l'ignorance. C'est là où il y a mystère. Voilà pourquoi dans mon titre que je vous ai ici proposé, il a un sens. Ce n'est même pas moi, ce sont les maîtres. Les maîtres m'ont dit... C'est vrai que tu as parlé de Dieu. Il y a deux vidéos disponibles. Qui est Dieu? Où est-il? Je rentre dans l'alchimie interne pour mieux expliquer qui est Dieu, celui que les humains appellent Dieu. En réalité, ce n'est pas son nom. Aujourd'hui donc, mon devoir est de pouvoir ici vous amener dans ces arcanes secrètes, vous amener dans cette complexité, parce que l'homme n'aime pas les choses simples. L'homme veut toujours compliquer dans un langage abracadabrant, pardonnez-moi l'expression, disons. Il veut toujours exagérer les choses, il veut les rendre compliquées au lieu de les mettre simples, au lieu de les rendre simples et accessibles à tout le monde. Donc, sur cette question de la complexité de Dieu que je veux pouvoir simplifier, il y aura des questions autour de ça. Qui est Dieu? Qui est-elle? Ou qui est-il? Parce que jusqu'ici, on ne sait pas si Dieu est d'essence féminine ou d'essence masculine. Donc, ces questions, nous allons pouvoir trouver des réponses. Rassurez-vous, je ne veux pas vous amener dans un langage métaphysique trop compliqué. Parce que c'est mon rôle. Mboloa, nous sommes déjà en retard de 20 minutes. Pardonnez-moi. Mais j'ai voulu accorder ce temps afin que tout le monde y entre. Donc maintenant on est rentré. Pour ceux qui vont suivre avec moi, souhaitez la bienvenue à ceux qui sont en cours de pouvoir entrer. Et que ceux qui vont suivre, s'il vous plaît, c'est la même tradition. Posez vos questions. À la fin. Quand je dirai j'ai fini, vous pouvez poser vos questions. Et j'ai d'ailleurs enregistré une bonne quantité de questions en examinant Tata Nzambe, le Tout-Puissant Kana, sur Facebook. Et je prendrai en considération également les questions que vous allez m'adresser sur la thématique d'aujourd'hui. Tout est autour de Dieu. Qui est-il ou qui est-elle? Peut-on démontrer son existence? Les religions, est-ce que les religions ont joué leur rôle d'aider à l'homme de vraiment comprendre cette complexité de Dieu ou de comprendre un peu qui est Dieu? Pourquoi alors certains poseront la question que si réellement ce Dieu, après que nous ayons démontré son existence, pourquoi alors il y a la souffrance? Pourquoi alors certains sont méchants? Voyez-vous, si vraiment il existe, pourquoi il autorise autant de souffrances? Et je vais vous expliquer également le phénomène d'athée, d'athéisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes, et surtout dans le pays auquel je vis, aux États-Unis, le nombre d'athées est en train de grimper à une vitesse vertigineuse. Athée veut dire ceux qui ne croient pas en Dieu. Pour eux, Dieu n'existe pas. Vous pouvez leur convaincre de votre manière, ils vont également vous convaincre que celui que nous appelons Dieu n'existe pas. Alors pourquoi ce nombre est sans cesse grimpant? Le nombre de personnes qui sont considérées comme athées, qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Bien sûr que la notion de Dieu, nous allons pouvoir cette notion de Dieu selon les religieux. C'est-à-dire, j'ai amené une copie de la Bible et une copie du Coran. J'ai oublié la Benda Vista, le livre le persien que même les Indiens utilisent pour la compréhension du bouddhisme. Donc nous allons avoir un peu la conception sur Dieu selon ces religions-là. Donc selon la Bible, le Coran, le livre saint, le shintoïsme et même l'hindouisme. Et nous allons parler également le point de vue des spirituels, la spiritualité. Comment ceux qui se considèrent comme des êtres spirituels définissent Dieu? Comment ceux qui sont spirituels? Parce que vous verrez qu'il y a des groupes de personnes qui, pour eux, ils évoluent hors de toute religion. Donc, eux, ils ont leur manière d'expliquer, d'exprimer leur divinité. On les appelle les spiritualistes. Et ensuite, nous allons parler, dans le domaine religieux, nous allons identifier deux aspects. Nous allons identifier l'aspect qu'on appelle l'exotérisme, c'est-à-dire l'aspect extérieur, où on enseigne aux gens d'aller vers le haut pour attirer vers le bas. Et nous allons également comprendre la notion de ésotérisme. Ésotérisme, c'est la notion de commencer par le bas afin d'aller vers le haut. Donc, je vais également ici vous aider dans la compréhension justement ésotérique, dans la compréhension spirituelle, vous donner des exercices pratiques. Et ces exercices pratiques sont à la fois applicables dans ce que j'ai toujours appelé la mystique chrétienne. Et ça peut être appliqué par n'importe quelle religion. Vous pouvez l'appliquer en tant que musulman. Même si vous continuez à dire « Asharam lo illahi lillahi muhammadun wa rasulullahi Allahumma salli sayyidini muhammadun wa rasulullahi Allah Akbar » Même si vous dites ça, ces exercices vont être applicables. Si vous êtes chrétien que vous priez au nom de Jésus-Christ, ces exercices s'appliquent également à vous. Cela vous permettra donc, dans votre propre expérience personnelle, individuelle, loin de l'influence collective, ce que j'appelle influence collective veut dire loin des ambiances religieuses, vous avez votre Bible, vous avez n'importe quel livre saint, vous pouvez vous-même vous développer sans ombrage, sans incident, sans un esprit qui viendrait vous gifler, parce que ce que vous allez faire, ce ne sera pas de la talismanie pratique dans votre maîtrise. Ce ne sera pas donc des manipulations des forces de la nature, des forces cosmiques, surnaturelles et autres sous forme des invocations et évocations dans une gymnastique mystique complexe dont vous ne maîtrisez pas, que vous aurez appris à travers des livres. Ce n'est pas ça. S'il vous plaît, mon rôle, c'est de venir vous dire, laissez les choses compliquées. Parce que la complexité de Dieu, c'est ça. Les gens compliquent la compréhension de Dieu. Les gens sont trop des préjugés, ils jugent les gens. J'écoute mon gongo, quelqu'un va dire c'est diabolique. J'utilise mon bois sacré, quelqu'un va dire c'est diabolique. Maintenant, le fait que vous allez crier au nom de Dieu à travers une Bible, on dira que non, c'est vous qui avez la lumière. Donc je viens ici pour vous dire, chers frères, chères sœurs, quel que soit le pays dont vous êtes originaire, je sais que je suis coupé de mes frères du Gabon à cause de l'accessibilité au niveau de l'Internet. Mais ceux qui me suivent au niveau de l'Europe, transmettez ce message, s'il vous plaît. Demandez aux gens de vous abonner, faites-leur abonner dans cette chaîne de YouTube. Parce qu'il y a beaucoup de connaissances qui sont partagées. Parce que certains, sûrement, me négligent. Mais quand l'occasion viendra, lorsque je projeterai les vidéos que je, à travers les conférences mystiques et spirituelles que je fais ici aux États-Unis, ça ne vous, vous serez tous surpris. Et le livre que tout le monde attend, j'en parle depuis 3 mois, il est en cours de préparation. Donc, voilà, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, la complexité de Dieu. Qui est Dieu et qui est-il ou qui est-elle? Est-ce qu'on peut justifier ou démontrer sa réalité et son existence? Bien, du point de vue d'abord des religieux, allons y comprendre un langage pourtant simple, mais que les gens ont compliqué. Vous entendez des credos dans les religions où on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ils vont jusqu'à appeler Jésus-Christ comme étant un Dieu. Enfin, pas comme étant un Dieu. C'est un Dieu, certes, en tant qu'entité égrégorique. Mais ils vont jusqu'à dire que c'est lui qui est Dieu. C'est lui que les humains appellent Dieu. C'est-à-dire que ça crée la confusion. Ils prient Dieu, ils prient Jésus et ils disent que Jésus, c'est maintenant Dieu. Vous serez d'avis avec moi que ça crée beaucoup de confusion, n'est-ce pas? Donc, allons-y donc, tous ensemble, lire les livres que... Le livre que beaucoup de personnes lisent, il n'y a pas que les chrétiens qui lisent la Bible. Les francs-maçons lisent la même Bible, les rosicruciens lisent la même Bible, les charlatans ou autres apprentis sorciers ou mercenaires de l'occultisme utilisent la Bible. Et j'étais surpris que même dans le vaudou, ils utilisent, enfin quand je dis nous, moi-même j'ai fait le vaudou également, ils utilisent la Bible. Vous comprenez? Les scientifiques utilisent la Bible. Donc, la Bible, c'était un livre universel qui a été, comme vous le savez très bien, j'en parle dans d'autres vidéos, compilé et écrit par les Romains comme étant un moyen par lequel ils devaient constitutionnaliser leur religion qu'ils ont créée, Église catholique apostolique à Romagne, qui, que vous savez très bien, l'Église catholique était la première grande institution religieuse considérée comme Église d'État. Et elle a autour d'elle toutes les institutions politiques, scientifiques, diplomatiques. Et ils ont même leur propre pays, le Vatican, qui a été choisi en son temps pour pouvoir être le grand centre, n'est-ce pas, de transfert de connaissances sur le christianisme. Allons-y donc lire tout de suite le point de vue de la Bible. Que dit la Bible? Si vous avez une Bible chez vous, bon, écoutez, ne vous gênez pas. On les appelle comment? Les athées utilisent la Bible également. Mais nous allons ici donc lire le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26. J'ai seulement pris trois versets. Je ne vais pas vous fatiguer ici avec les versets bibliques. Donc, ces trois versets vont vous aider un peu à avoir une idée de ce qu'on appelle Dieu. Vous n'êtes pas trop en retard, ce n'est pas grave. Donc, nous commençons par Genèse chapitre 1, le verset 26. Voici ce que la parole de Dieu dit, le livre saint, la Bible. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines le souffle de vie. C'est un verset que je connais par cœur. À moins que vous voulez que je le relise comme c'est écrit, mais vous verrez qu'il n'y a aucun changement parce que je vous dis, toute la Bible, je l'ai étudiée par cœur, hein, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Donc, Elohim veut dire les dieux. Elohim formant l'homme de la poussière de la terre, ils soufflèrent dans les narines de l'homme le souffle de vie ou l'énergie vitale et cosmique, et ainsi l'homme devint leur ressemblance. Voyez, le même verset, je vous l'ai fait lire dans seulement deux versions. Il y a plusieurs mille et une versions qui peuvent vous donner une compréhension plus ou moins appropriée. La première version que seuls les chrétiens généralement acceptent, c'est que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Donc, l'homme fut fait à partir de la poussière. Voilà pourquoi on dit poussière, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. C'est que je l'explique dans ma dernière vidéo, que lorsque vous mourrez, dans le phénomène de, comment on appelle ça, des invocations des morts, ou encore dans la nécromancie, j'ai expliqué cela. Suivez cette vidéo, s'il vous plaît. Et j'apprécie qu'en moins de 3 jours, on atteint presque les 500 vues. Ce n'est pas mauvais, je n'ai jamais eu ce record. Ça veut dire que dans ces enseignements sur la nécromancie, je vous expliquais que votre corps matériel, physique, hein, qui est couvert par ces habits-là, à votre mort, ça devient poussière. Parce que l'homme a été créé à partir de la poussière. C'est ce qui est écrit, hein, que Dieu créa l'homme à partir de la poussière. Ça, c'était la première étape. Donc, l'homme étant formé, et aujourd'hui, dans les grands laboratoires du monde, vous le savez très bien, nous avons ce qu'on appelle... Nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui des robots. Donc, il y a de grandes sociétés, alors je vous parle au niveau des États-Unis, qui ont réussi à fabriquer des robots. Ces robots sont en mesure de tout faire et on met en eux des circuits électriques qui leur permettent de parler et tout ça. C'est une forme d'esprit en eux. Donc, disais-je, la partie A de Genèse chapitre 1, verset 26, nous dit que l'homme fut créé à partir de la poussière. Donc, ça veut dire que le corps matériel, c'est simplement la poussière. La preuve en est que quand vous ne vous douchez pas pendant un certain nombre de jours et que vous frottez votre main sur le visage, vous verrez qu'il y a de la terre. Parce que c'est ça, c'est la poussière. C'est une vérité scientifique, spirituelle et métaphysique. Maintenant, la deuxième partie, donc, Genèse chapitre 1, verset 26, partie B, et on nous dit que les Elohim, donc les dieux, pour la deuxième version biblique, laissons la première version que les chrétiens utilisent, et Dieu insuffla dans les narines de l'homme le souffle de vie, et ainsi l'homme devint une âme vivante. Donc, c'est quand Dieu, selon les chrétiens, l'Éternel, l'appellation des chrétiens et des musulmans, quand on dit nous Dieu souffla dans les narines de l'homme le souffle de vie, C'est ainsi que l'homme a pris sa... devint une âme vivante. En d'autres termes, c'est là où l'homme finalement a eu et pris conscience de sa divinité. Donc l'homme devint un petit Dieu en quelque sorte. D'autres me poseront la question pourquoi je continue à dire les Elohim. Ben, ce n'est pas de ma faute parce que les Bibles qui ont été écrites par les Romains, la version originale en arabien et en hébreu, quand on voit les mots originaux qui ont été écrits dans la Bible, c'était Elohim. Ceux qui ont fait des études de théologie comme moi, peut-être plus avancés, qui sont des docteurs, allez-y vérifier. Consultez même Google. Elohim veut dire les dieux. Donc plusieurs dieux. Dans la version originale, la Bible, on ne dit pas Eloah, c'est-à-dire un dieu seulement, le Dieu Tout-Puissant. Mais on nous dit que les dieux, les Elohim. Et je vais vous le prouver dans les versets suivants. Maintenant, nous avons compris dans ce verset religieux, c'est ça le verset que les religieux nous expliquent, qui en réalité est d'abord notre existentialité. Donc, Dieu, les dieux, nous créèrent. Maintenant, chapitre 2, le verset 7, lui, il nous dit quoi? Pardonnez-moi, rectifiez. Hein. Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image. Ok, voilà, c'est bon, j'ai bien commencé. Genèse chapitre 2, le verset 7, autant pour moi. Dieu forma l'homme à partir de la poussière. Poussière, tu es poussière, et tu retournes la poussière. Et il insuffla dans les narines de l'homme le souffle de vie, ainsi l'homme devint une âme vivante. Je vous ai dit que je vais vous prouver qu'il ne s'agit pas de Eloah. Parce que ici, à lire cette traduction, on dirait que c'est un Dieu, c'est-à-dire le Dieu suprême, lui seul qui a contribué à la création de l'homme. Mais je veux vous prouver dans la même Bible, ce n'est pas moi qui vais l'interpréter, c'est la Bible elle-même qui parle. Parce que je ne suis pas ici pour venir interpréter ou donner des dogmes. Car moi-même, je suis contre les dogmes. Souvenez-vous de l'enseignement dont je vous ai parlé. Pourquoi aujourd'hui la société humaine, pourquoi aujourd'hui toute l'humanité est complètement désorientée, complètement perdue? C'est à cause des programmations reçues ça et là, des programmations dites dogmatiques, doctrinales. Donc chacun vit interpréter à sa façon pour entraîner certaines âmes volatiles, fragiles et leur distraire de leur destin. Alors que leur destin est entre leurs mains et t'attends à appeler le Dieu suprême, l'énergie universelle cosmique. Donc allons-y maintenant dans Genèse chapitre 2, verset 7. Et vous serez d'avis avec moi. Je préfère lire tel qu'il est écrit. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26, il dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ah ben tiens. Le verset, Genèse chapitre 2, verset 7 a dit que Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, l'homme fut créé et il devint l'image de Dieu, il devint une âme vivante parce que, après que Dieu ait soufflé le souffle de vie dans ses narines. Mais allons-y, quand on lit le verset, le chapitre 1, le verset 26, on nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bon, maintenant, je vous dis que ce verset, même quand nous faisions les cours de théologie, ça faisait de grands débats. Un débat qui ne finissait point. On pourrait rester là à débattre de ce verset pendant même un an, deux ans, dix ans, cinquante ans. C'est là où le dogme de la Trinité, ceux qui soutiennent la Trinité viendront vous dire que non, ici, là, il s'agit de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Parce que quand tu dis faisons là, il s'agit de ça. Que mes frères qui sont chrétiens me pardonnent. Mais quand nous considérons les papyrus qui ont été découverts et que nous lisons l'araméen, ou l'hébreu. Ici, dans cette version où on nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il n'est pas évident que ça ne peut pas être, ça ne peut pas paraître en contradiction avec Genèse chapitre 2, le verset 7, où il dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière et il insuffla dans ses narines le souffle de vie. Là, donc, ici, on trouve un Dieu qui crée l'homme tout seul et on trouve encore dans la même Bible, le même livre de Genèse. Je vous signale que c'est Moïse qui aurait écrit ce livre. Donc, le même Moïse va venir dire ici-là que non, puis Dieu dit, puis Dieu dit. Bon, mais si on respecte la logique de Genèse chapitre 2, verset 7, il aurait pu dire, puis Dieu dit, je fais l'homme à mon image, selon ma ressemblance. Mais ici, il est question que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, ça rejoint l'authenticité de ce que je viens de vous dire. Pour ceux qui doutent, allez-y faire les recherches sur Elohim, Eloah. Vous verrez que ceux qui ont fait théologie, on vous dira que Genèse chapitre 1, le verset 26, Il s'agit d'un ensemble de dieux. Donc, les dieux, les Elohim, Elohim veut dire plusieurs dieux. Donc, ici, les Elohim, donc les dieux, en dehors du Dieu suprême, Zambakana, l'âme universelle, ces dieux-là disent quoi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous nous arrêtons là. Avant de continuer à Genèse chapitre 2, le verset 22, partie A, où nous allons découvrir quelque chose d'intéressant, que les dieux disent, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Donc nous allons nous en tenir à ces trois versets. Et dans le Coran, il est écrit que lorsque Allah Akbar créa l'homme, il est dit de la même manière, parce que n'oubliez pas que le Coran également a ce qu'on appelle les psautiers. Les psautiers, c'est ce que les chrétiens appellent les psaumes. Le Coran a deux parties. Il y a une partie dite révélée du prophète lui-même, recevant des messages d'Allah Akbar à travers l'ange, comment dirais-je, Michael et ou Gabriel, autant pour moi. Et par contre, ils ont également les évangiles. Et nous allons le découvrir tout à l'heure. L'évangile de Jean, qui va nous aider dans la compréhension de Dieu également. Chez eux, ils appellent ça l'évangile de Yacine. Bien. Dans le Coran, il est dit, Ilah, ilah, ilahi. Donc, il n'y a que Dieu, une seule divinité qui a tout créé. Et même quand ils disent Ashhad, Ashhadu an la ilaha illallah, vous vous rendez compte? Je ne crois qu'au Dieu suprême, l'unique et le vrai, et Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadun wa rasulullahi, et à travers son prophète qu'il a envoyé Mohammed. Donc, l'islam nous aide pour mieux comprendre que, en fait, il ne s'agit pas des Elohim, mais il s'agit de Allah, donc le Dieu suprême lui-même. Vous verrez qu'il n'y a pas de contradiction, que mes frères musulmans ou chrétiens ne soyez pas offensés. Mais c'est simplement un problème de compréhension qui, au départ, a été truqué et trophée et trafiqué et modifié pour créer la confusion dans laquelle la société africaine, la société du monde se trouve aujourd'hui. Mais les Blancs l'ont compris, voilà pourquoi vous verrez que les Blancs ne perdent plus trop de temps dans les religions. Le fait qu'ils ne viennent plus dans les religions, est-ce que ça veut dire qu'ils ne croient plus en Dieu? C'est faux, ils croient toujours en Dieu. Parce que l'affaire de Dieu, là, est une affaire individuelle et personnelle. Souvenez-vous, il est écrit par l'apôtre Paul que le salut est personnel, n'est-ce pas? Quand vous voulez sauver votre âme, quand vous voulez tisser une relation personnelle avec Dieu, eh bien, elle est personnelle. Et le même apôtre Paul ne dit-il pas dans le livre de 2 Corinthiens, mais plutôt de 2 Timothée, chapitre 3, permettez-moi, 2 Timothée, chapitre 3, le verset 3, je crois, du verset 1 jusqu'au verset 6, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner, utile pour nous éduquer, utile pour pouvoir nous donner des informations scientifiques, physiques, prouvées, utile pour nous permettre de connaître le monde des inconnus, utile pour nous comprendre la fonctionnalité qui est due en réalité, et toutes ces connaissances dans tous les domaines, afin que l'homme de Dieu soit totalement équipé. Écoutez, c'est peut-être moi qui ai ajouté quelques terminologies, mais allons-y lire ça rapidement. J'avoue que je ne vais pas trop vous traîner dans la Bible, hein, parce que je sais qu'il y a d'autres qui sont là, qui ne sont pas des chrétiens, qui ne veulent pas perdre leur temps dans le même credo chrétien. Mais j'avais simplement le souci de vous amener d'abord dans ce livre-là, afin de pouvoir maintenant simplifier ce que les jeux rendent trop compliqué. 2 Corinthiens, 2 Timothée, autant pour moi, chapitre 3, le verset 16, autant pour moi. Voilà ce qu'il dit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour changer quoi? Corriger ou modifier, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit totalement équipé. Donc, en d'autres termes, la parole sainte qui est là, elle a été écrite sous inspiration des prophètes. Nous ne sommes pas. Ça, pour ça, je ne peux pas contredire. Les grands prophètes, qui pour la plupart c'était des Noirs, ils ont reçu des révélations de Nzambakana et ils ont consigné sa philosophie dans ces histoires-là, dans du papyrus. Et partant de là, donc, ça a été mis en place par des grands prophètes, lesquels étaient inspirés pour permettre l'homme d'être comme cela dit ici. Je ne veux pas perdre mon temps là-dessus, je ne suis pas venu ici pour prêcher sur ça. La raison pour laquelle nous sommes tous ensemble ici, c'est de pouvoir un peu comprendre que l'homme a trop rendu la compréhension de Dieu tout à fait complexe. Et on doit simplifier les choses pour que le commun des mortels, indépendamment d'une religion, loin des grands mystères qu'on vous dira, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça vous embrouille même et vous ne savez pas de quoi il s'agit. C'est pour cela que je vous ai promis que je vais vous donner certains exercices, tels que les exercices de visualisation, parce qu'à partir de l'exercice, par exemple, de visualisation, vous pouvez mieux cerner et comprendre la complexité de tous ces enseignements-là qui viennent emprisonner votre, comment dirais-je, votre conscience pour des raisons inutiles. Maintenant, nous avons compris du point de vue religieux que les dieux, celui qu'on appelle Dieu, il y a déjà un problème. Parce que vous avez constaté, c'est ça qui rend la complexité pour comprendre qui est Dieu. Au départ, on ne sait pas si c'est un seul Dieu qui a créé l'homme, ou bien c'est plusieurs dieux, les Elohim, qui ont créé l'homme. Donc là, je viens de vous clarifier qu'effectivement, il y a eu plusieurs dieux. Et même le livre des psaumes dit bien qu'il y a plusieurs dieux sous les cieux. Mais qu'au-dessus de ces dieux, il y a le Dieu suprême. Voyez-vous, qu'il y a le Dieu suprême qui est au-dessus de tout. Donc, ça prouve une fois de plus que ce n'est pas le Dieu suprême qui, personnellement, bon, si encore faut le chosifier, chose que je viendrai vous prouver, que le nom Dieu, ce n'est pas normal, parce que vous chosifiez l'être suprême, vous chosifiez l'intelligence supérieure, l'intelligence universelle cosmique. Et nous allons rentrer même dans les notions de microcosme et macrocosme. Vous verrez que ceux qui ont fait les mathématiques quantiques, vous comprendrez ce qu'on appelle les trous noirs. Dans ce phénomène des trous noirs, vous verrez vous-même dans vous, au cours de votre voyage, que ça n'a rien à voir avec toutes ces notions de divinité à gauche et à droite. Ça ne veut pas dire que le Dieu tel que nous, initiés, on comprend, n'existe pas. Mais le Dieu tel défini par les religieux semble embrouiller la conscience de beaucoup de gens aujourd'hui. Ce qui explique pourquoi les religions sont en train de perdre beaucoup de personnes et que ce qui explique la naissance de plusieurs sectes aujourd'hui et surtout beaucoup d'écoles d'ésotérisme, des écoles qui s'orientent beaucoup plus sur la compréhension de Dieu à travers soi-même, à l'intérieur de soi. Ne soyez pas surpris, parce que justement la religion n'a pas bien joué son rôle quant à la complexité du don de Dieu. Peut-on démontrer l'existence de Dieu? Bien sûr, bien sûr. Et je vais répondre à cette question. Si vous lisez le livre, par exemple, si vous lisez la Bible, l'apôtre Paul dit que pour ceux qui doutent de l'existence de Dieu, écoutez, ses qualités invisibles se voient distinctement depuis l'univers, au point où vous ne pouvez pas nier de cela, observer seulement la nature. Voilà pourquoi nous les initiés, quand nous rentrons dans la nature, nous trouvons les plantes, nous avons un code secret que nous rentrons en communion. Et la nature nous obéit automatiquement. Vous parlez à la plante, vous prenez l'écorce de l'arbre, vous parlez, et le code est là. Si l'écorce tombe fermée, ça veut dire que les dieux ont refusé de vous donner. Les dieux vont vous dire non, ce n'est pas ça qu'il vous faut. Continuez, évoluez, allez chercher une autre plante. Et celle-là ne peut pas guérir ce type. Ou il y a l'énigme derrière ça. Ça veut dire que cette personne-là, il faut d'abord purifier cette personne avec une autre plante, et ainsi de suite. Là, je vous amène bien sûr dans la pharmacopée, dans ce qu'on appelle chez nous le ngangaïsme. Donc, comment dire, la magie verte ou la magie des plantes. Donc, la complexité de Dieu, il faut déjà casser celle-là. Dieu en tant que tel, c'est l'homme qui a trouvé une dénomination de l'attribué créateur de l'univers. Parce que la religion, comme vous le savez en définition, la religion vient du mot quoi? Religare. Or, comme vous le savez très bien, religare en latin veut dire chercher à se relier à. Bon, quand on parle de chercher à se relier à, ça veut dire que la religion est un moyen par lequel l'homme veut tendre vers le super-idéalisme, veut en dehors de lui-même chercher à aller rencontrer celui qu'on appelle Dieu. Une fois de plus, le terme, la terminologie Dieu, vous verrez même quand vous allez fouiller vos dictionnaires des humains que vous avez confiance, ça n'a aucun sens. Parce qu'on chosifie l'être suprême. Une fois de plus, il ne faut pas que mon langage soit mal compris. Je ne veux pas rendre ma compréhension complexe. Hein? Auprès de ceux qui me suivent. Je veux dire que celui que les humains appellent Dieu. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je dis celui? Oui, parce qu'il ne s'appelle pas Dieu. L'intelligence suprême, Zambakana, c'est comme ça on l'appelle Allah. Allah Akbarou, les Arabes l'appellent ainsi. Mais ce n'est qu'un titre pour l'attribuer à cet espace, à cette intelligence suprême qui est au-dessus de tout quand vous regardez les étoiles. Maintenant, nous avons vu dans Genèse chapitre 1, le verset 26, faisons l'homme à notre image, afin qu'il soit comme nous. Le chapitre 3, le verset 22, où nous en reviendrons, la partie A, et empêchant l'homme d'aller toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il est devenu maintenant comme l'un d'entre nous. Il connaît maintenant le bien et le mal. Dans ce cas, la question se pose. Où est Dieu? Si maintenant, Genèse chapitre 2, le verset, plutôt Genèse chapitre 3, le verset 22 dit que l'Éternel, le Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Donc, l'homme est devenu comme l'un de nous. Bon, maintenant, si c'est Nzambakana, le Dieu suprême, le Dieu que les chrétiens parlent, ça veut dire que l'homme est devenu maintenant comme Dieu. Mais maintenant, si l'homme est devenu comme Dieu, car il connaît le bien et le mal, il a de ce libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Dans ce cas, pourquoi rendre complexe l'existence de Dieu, alors qu'en réalité, l'homme l'a retrouvé? Comprenez? Donc, les religions, dans leur manière et dans leur démarche, je ne les juge pas, parce que toute œuvre humaine est toujours imparfaite au début. Mais nos religions traditionnelles, d'antan, nous montrent une autre démarche. Et c'est cette démarche que j'aimerais partager avec vous. Les religions occidentales ont mal interprété la première religion. Parce que la première religion, je vous informe que c'est l'homme noir qui l'a créée. La première religion, c'est l'homme noir qui l'a créée. Parce que le premier homme que Dieu a créé était un noir. Et vous le savez très bien, la science le confirme. Nos amis des Poitiers l'ont confirmé là. Récemment, on a découvert, j'en parle tous les jours, et je ne cesserai de me fatiguer de le répéter, que nos amis scientifiques des Poitiers, qui est un grand centre qui travaille avec le CNRS et autres en France, ils ont découvert un fossile qui confirme que la première vie, la première cellule de la vie a été découverte au Gabon. Donc, c'est un homme noir qui était le premier. Et les squelettes l'ont prouvé. Les squelettes qu'ils ont trouvés, c'était en Afrique. Ce n'était pas en Europe. Non. Donc, les religions ne nous ont pas vraiment aidés dans ce sens-là. Ça crée la confusion. Vous prendrez le cas de l'église. Je ne vais pas citer le nom d'une église, mais d'une manière générale, ils vous diront Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Et quand vous cherchez à comprendre, mais mon Dieu, mais Dieu le Père, ça veut dire qu'il a une femme. Et j'ai même appris dans une religion orthodoxe que la femme de Dieu serait le Saint-Esprit. Mais en d'autres termes, ce n'est pas sa femme littéralement, avoir le sexe, non. Ça veut dire que la féminité de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'à travers le Saint-Esprit, vous allez trouver beaucoup de qualités. Selon ce que l'apôtre Paul lui-même explique. Vous me pardonnerez qu'aujourd'hui je vais beaucoup trop tourner autour de la Bible. Donc, je vous disais que, parce que là je suis bloqué du fait qu'il y a des gens qui sont en train de poser la question de quoi il parle, que Dieu aussi a une partie féminine en lui. Ah ben bien sûr, je vous l'ai dit, puisque si nous avons Adam et Ève en nous, l'homme est féminin et masculin. Je vous en parle, allez-y suivre ma vidéo où je parle comment l'homme perd son pouvoir qui est en lui. Je vous explique le phénomène de personnes qui deviennent par exemple des lesbiennes ou des homosexuels. J'explique ce phénomène-là de manière scientifique. La transformation biologique et astrobiologique, astrophysiologique, j'en parle. Donc, écoutez, si nous sommes comme les dieux, selon Genèse chapitre 3, verset 22, comment voulez-vous nier que Dieu n'a pas aussi sa féminité? Donc la manifestation et la féminité de Dieu, c'est son Esprit Saint. Ce que vous appelez Esprit Saint. Alors, c'est ainsi que on nous dit ici que dans 2 Corinthiens, pardonnez-moi, en d'autres termes, je vais retrouver ce verset. La féminité de Dieu s'explique par les grandes qualités suivantes. l'amour, la tolérance, la paix, la patience, l'acceptance, le pardon. Quand vous voyez bien ces qualités-là, en tant qu'humain sur terre, vous verrez que entre l'homme et la femme, qui souvent manifeste ces qualités? Vous avez la réponse. C'est souvent nos mamans qui sont beaucoup plus souples. Elles sont beaucoup plus tolérantes. Elles ont beaucoup plus d'amour. Elles ont beaucoup plus cet esprit d'acceptabilité et d'acceptance. Mais l'homme est complètement opposé. Donc voilà pourquoi, quand vous avez le Saint-Esprit, selon le livre de Galates, je vous emmène à beaucoup de versets, les Éphésiens, on nous dit, voici les qualités des fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit Saint sont la tolérance, le pardon, toujours pardonner. Quand on a l'amour, on accepte tout, on tolère tout. Quand on a l'amour, on ne tape pas, on ne jalouse pas. Ça, c'est la féminité de Dieu, le Saint-Esprit. Mais de l'autre côté, dans sa masculinité, il donne des lois. Tu ne fais pas ça, tu vas être exécuté. Tu ne fais pas ça, le karma va te frapper. Tu tues avec l'arme, tu dois mourir avec l'arme. Tu fais ceci, vous comprenez? Je disais que vous me posez des questions uniquement à la fin du show, s'il vous plaît. J'essaie de me concentrer sur mon sujet. Donc, à la fin, gardez vos questions. Donc, il faut bien retenir les expressions que j'utilise. Ça peut vous servir sur la thématique afin que vous me posiez des questions. Donc, je vais déjà vous simplifier cette compréhension. C'est vrai que c'est une complexité. Dieu est à la fois féminin et masculin. Et, non de rien, monsieur, maman, Mini Ndjango, il faut comprendre que Dieu, dans son expression, il est à la fois féminin et masculin. La masculinité de Dieu s'explique par le pouvoir et la puissance et l'intervention dans les lois cosmiques qu'il a préétablies où il n'y a aucune violabilité. Et si vous les violez, vous êtes frappé et il n'a rien à foutre. C'est clair et net. Voilà la masculinité de Dieu. C'est le pouvoir, la puissance, la justice. Maintenant, la féminité de Dieu, c'est là où, au même moment, il y a la tolérance, la paix, l'amour pour vivre en harmonie. Voyez-vous, si les gens comprennent ce phénomène, vous verrez qu'il n'y aurait pas de guerre. Vous voyez? Bref, je ne vais pas trop rentrer dans tous ces détails. Alors, je le disais que dans la compréhension de Dieu, on nous dit Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, mais on a chosifié l'être suprême. Quand on chosifie l'être suprême, eh bien voilà où on arrive à la, on arrive à des, qu'on appelle ça, de la confusion, on arrive à des interprétations qui, parfois, n'amènent aucun éveil. Parce que l'éveil de votre conscience, souvenez-vous, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, l'homme fut créé. Et ainsi, l'homme devint la ressemblance de Dieu. Mais comment pouvez-vous devenir la ressemblance de Dieu? En d'autres, quand vous devenez la ressemblance de Dieu, ça veut dire que vous êtes maintenant comme Dieu, non? Hein? Ressembler à quelqu'un. Mon fils me ressemble. Vous comprenez? Voilà pourquoi ce Horus, celui que vous appelez Jésus, dans ses déclarations, il dira que eh bien, le Père et moi, nous sommes un. Parce que celui qui m'a vu a vu le Père. Bon, il n'a pas tort, il ne voulait pas dire par là que c'est maintenant lui. Et d'ailleurs, c'est ce genre de déclaration-là que les religions ont dit que maintenant là, le Dieu Nzamba, le Dieu suprême, supérieur, créateur des cieux et de la terre, c'est maintenant Jésus incarné. Ah bon, il a le temps de venir d'abord s'incarner dans ce corps alors qu'il a d'autres business à faire. Alors nous allons comprendre au cours du développement comment cette incarnation-là est possible, comment vous et moi, nous pouvons être l'incarnation de Dieu, nous pouvons devenir le Fils de Dieu comme Jésus. Parce que ne soyez pas offensés. Jésus-Christ n'est pas le Fils unique de Dieu, comme cela a été écrit quelque part. Ils ont ajouté le mot unique à partir du 4e siècle, en 325 de notre ère, pour votre information. Mais à l'origine, on disait qu'il était Fils. Il était l'un des Fils de Dieu. Comprenez? Quand vous n'avez pas encore atteint la compréhension spirituelle mystique, quand vous n'avez pas atteint le summum spirituel de la compréhension de la divinité supérieure, pour comprendre que cette divinité supérieure n'est autre que vous, pour comprendre que le macrocosme qui symbolise l'énergie universelle cosmique, Dieu suprême, Père, Pater, éternel, c'est également le microcosme que vous êtes. Parce que vous, vous êtes microcosme. Microcosme dans le macrocosme, mais le macrocosme est aussi dans le microcosme. Quand le microcosme et le macrocosme symbiosent, en réalité c'est la même chose. Parce que, j'ai donné un exemple dans un enseignement très profond, c'est également dans Tatanzambe, où je vous parlais de la montagne. Quelle différence y a-t-il entre la montagne et les pierres? Parce qu'une montagne, au commencement, était la montagne. Mais cette montagne devint pierre. Les pierres, c'est quoi? La montagne donc s'est éparpillée. Elle a perdu. La montagne a perdu son existentialité. La montagne se retrouve dispersée. C'est à travers les pierres. Donc toutes ces pierres qui se sont émiettées de la montagne a perdu son originalité. Mais pour que cette montagne retrouve son originalité, alors les pierres décidèrent de se rassembler à nouveau. Et au fur et à mesure que chaque pierre revenait, toutes les pierres reviennent ensemble, et voilà, ça reforme la montagne. C'est de cette manière que je peux vous expliquer la complexité de Dieu. En d'autres termes, celui que nous appelons Dieu, que nous appelons énergie universelle, que nous appelons âme universelle, que nous appelons tétamwanga, que nous appelons manifestation divine, que nous appelons Dieu manifesté, parce que moi, je suis Dieu manifesté. Quand vous allez me poser la question, qui est Dieu? Mais je suis Dieu. Ça paraît fou, mais c'est simplifié, parce que Genèse l'a dit, que comme l'homme est devenu l'un d'entre nous, il est devenu comme nous, et il fut créé à notre image, et il devint notre ressemblance. La montagne, le caillou est une partie de la montagne. La pierre est une partie de la montagne. Mais cette pierre est la ressemblance de la montagne. Cette pierre-là est une partie de la montagne. Cette pierre, c'est la montagne. Si nous reprenons toutes ces pierres ensemble, elles reforment la montagne. Ça, c'est une sagesse kabbalistique, c'est une sagesse chinoise. Donc, quand vous allez aller au sommet de la montagne, il faut comprendre que cette montagne a été formée par des particules de pierre. Et toutes ces pierres qui se désintègrent. Quand la montagne se désintègre, elle forme des pierres qui sont éparpillées à gauche et à droite. Mais quand ces pierres maintenant décident de se réintégrer et se réunir, elles reforment la montagne d'origine. Donc, les hommes que nous sommes sur toute la planète Terre, là je vous donne maintenant la compréhension spirituelle, je vous donne maintenant la compréhension mystique, je vous donne maintenant l'enseignement d'un véritable initié qui a expérimenté ce qu'il vous dit. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes l'expression divine. Nous sommes l'expression du Dieu suprême. Nous sommes une particule du Dieu suprême. Parce que nous ayant créé à son image et dans sa ressemblance, mais pour faire en sorte que sa ressemblance lui soit rendue, il nous faut nous initier. Initiation veut dire rentrer dans la connaissance des mystères par une initiation léguée par nos ancêtres. Quelle que soit votre origine, les Irlandais l'ont compris, chez les Blancs. Allez-y en Irlande, vous ne me direz pas le contraire. Ces gars-là sont attachés à leur tradition. On appelle au niveau de l'Europe du Nord, les pratiques nordiques, en Finlande, ils ont compris cela. Les Gaulois, ils ont compris cela. Les peuples Zoulous en Afrique du Sud, ils ont compris cela. Donc, l'essence divine est en vous. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible que nous avons lue. Maintenant, je viens de démontrer son existence. C'est nous. Nous sommes la preuve même de celui que vous allez extérioriser. iPhone, la haute technologie que nous voyons, la science. On va dans les écoles conventionnelles, on forme le mec et on se rend compte qu'il est déjà prédisposé. On le lance dans son don. Il devient un génie. Il y a des gens qui sont devenus même des génies sans avoir de doctorat. Comment expliquer cela? Mais l'essence de Nzambakana est en vous. Vous êtes une particule de Nzambakana. Le Dieu suprême. Vous êtes une particule. Toutes les particules dispersées, ça et là. Vous comprenez? Donc, l'hindouisme a sa façon à lui. Dans l'hindouisme, on vous dira ceci. Je sais quelque chose parce que je pratique le bouddhisme. Nous sommes dans la pratique du bouddhisme. On vous apprendra à travers le yoga que je pratique depuis longtemps. Que yoga, d'abord, le mot yoga veut dire quoi? Moi, je ne sais pas ce qu'on vous définit. Moi, ça fait depuis 78 que je pratique le yoga. Ça fait 40 ans, bientôt 41 ans. Que je pratique le yoga. Le yoga nous a appris quoi? Le yoga nous dit que C'est la rencontre de l'esprit et du corps. C'est la réintégration de l'esprit dans le corps matériel. Une fois votre esprit est intégré dans votre corps, c'est-à-dire l'esprit universel cosmique, en d'autres termes, yug veut dire la souplesse du corps et de l'esprit, la rencontre et l'entente, la fusion du corps et de l'esprit. Dès lors que l'esprit et le corps sont devenus un, alors, là je parle de manière religieuse, parce que la dernière fois je vous ai expliqué dans mon enseignement sur la nécromancie, sur la compréhension, la complexité du corps physique, je vous ai dit que ce corps physique n'est qu'un corps grossier, lequel corps à l'intérieur contient de nombreux corps. Nous avons à l'intérieur le corps mental, le corps psychique, qui est lié au niveau de l'air psychosomatique, comment on appelle ça, somatique, c'est ça. Nous avons au niveau de l'air motrice, lequel est contrôlé par l'hypothalamus, le centre d'enregistrement des sensations, et qui s'extériorise à travers votre subconscient. Là, c'est des corps qui sont isolés à l'intérieur. Nous avons le corps qu'on appelle le corps énergétique, le corps éthérique, le corps éthérique qui se trouve au niveau de votre ventre ici, caché à l'intérieur de ce qu'on appelle la colonne vertébrale, lequel corps énergétique est sectionné en sept chambres secrètes. Lesquelles chambres secrètes, on nous apprend ça dans le yoga, ce sont des centres des énergies. Lesquels centres des énergies partent du coccyx à la base de votre pénis ou de votre vagin, au coccyx, jusqu'à la glande pinéale. Donc, ça c'est le corps énergétique. Voyez-vous, c'est un corps qui est à l'intérieur. Ensuite, vous avez le corps spirituel, dont le siège se trouve au niveau de l'épiphyse, laquelle épiphyse est un organe très sensible, une membrane cachée quelque part qui se trouve non loin de la troisième ventricule à côté de ce qu'on appelle l'hypothalamus. Et on nous a dit que c'est là où se trouve le siège de votre âme. Le siège de votre âme, donc l'âme se trouve là. C'est pour cela que quand vous sortez à vampire, ça part du troisième œil et tout votre esprit sort. Voyez-vous? Donc, ça, c'est des corps qui sont à l'intérieur. Là, je ne vous parle pas des corps qui sont intérieurs. Hein. Et à l'extérieur de ce corps physique, il y a un autre corps qu'on appelle l'aura piscienne. L'aura piscienne, c'est le langage scientifique original. Mais les communs des mortels, et quand vous allez lire dans les livres, on vous dira c'est l'aura. L'aura, c'est quoi? L'aura, c'est un corps. C'est le corps qui résulte justement de la combinaison de plusieurs corps. Lesquels corps sont déjà bien entraînés, bien fortifiés? Donc votre corps mental, psychique, spirituel et physique à travers les techniques d'arts martiaux et bien d'autres. Hein, vous forgez votre caractère, donc ça forme une certaine aura. Cette aura-là peut être soit une aura faible, et c'est pour cela, votre humble serviteur, comme d'autres initiés, je suis en mesure de lire les auras des gens. Je peux vous lire, il y a des auras qui sont rouges, il y a des auras qui sont verts, il y a des auras machin, orange, et il y a des interprétations sur ces couleurs. Et à travers l'aura, je peux même vous rejeter naturellement, parce que votre aura dégage une énergie négative. Mais pourquoi? Mais parce que vos corps sont morts, vos corps sont détruits par le viande que l'alcool que vous prenez. Vos corps sont détruits complètement à cause de votre mauvais cœur, votre jalousie, les esprits méchants et tout ce que vous faites. C'est ça qui explique pourquoi votre aura peut être faible. Mais par contre, si votre aura est très fort, voyez, là, je vous parle du corps extérieur. Et ensuite, au-dessus de ce corps extérieur, qu'on appelle naturellement l'aura, vous avez le corps physique grossier, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, le corps, dans l'homme seulement, il y en a toute une multitude de corps. Et lesquels corps sont coordonnés à travers des milliers, des milliards de tissus, des milliers, des milliards de cellules. Et ensuite, on compte des centaines d'organes. Voyez-vous, donc, c'est une machine complexe. Mais seulement pour faire une coordination de tout cela, vous devez passer à l'école de l'apprentissage, à l'école de la connaissance. Donc, voyez-vous, l'homme déjà en lui, il représente Nzamba Kana dans sa complexité. Voilà pourquoi nous disons en tant qu'initié que nous, en tant que microcosme, nous sommes le macrocosme. Nous intégrons le macrocosme. Donc, le macrocosme est dans le microcosme et le microcosme également est dans le macrocosme. Ça veut dire quoi? Le plus petit élément se retrouve dans un ensemble. Mais cet ensemble est constitué des éléments. Nous l'avons appris en mathématiques. Voyez, même les mathématiciens ont compris cette vérité. Parce que dans un ensemble, il y a des éléments. Mais ces éléments constituent qui? Mais ces éléments constituent l'ensemble. Et on peut appeler cet ensemble, ensemble D, c'est-à-dire Dieu. Donc cet ensemble Dieu, D, et peut être associé en relation avec un autre ensemble. Et cet ensemble, je vais l'appeler l'ensemble F, c'est-à-dire l'ensemble forêt. Donc, dans la forêt, tous les arbres qui constituent la guérison des humains et tout ça là, et la pharmacie, les pharmacies utilisent ça, le monde médical utilise, les blancs, les noirs, tout le monde utilise. Donc, il y a une corrélation entre l'ensemble, grand D, Dieu, avec toutes ces divinités et vous, et ensuite, qui est lié avec l'ensemble F, donc les forêts, on trouve les plantes, lesquelles plantes également sont en harmonie avec les génies de la nature. Donc ces génies-là font partie de l'ensemble F dans la magie verte. Mais vous voyez que l'ensemble F et l'ensemble D se constituent dans leur évolution. Ils font partie du macrocosme. Donc le macrocosme Nzambakana s'exprime en miniature dans tout l'univers et dans tous les règnes, que ce soit le règne minéral. Donc, à travers les plantes, que ce soit le règne minéral, à travers l'or, les diamants et tout ça, et ce que nous utilisons pour la technologie, le coltan, il s'exprime également à travers le règne minéral, pardon, végétal, donc les plantes que nous utilisons, les fruits que nous mangeons, comme nous autres qui sommes végétariens, on consomme tout cela, ça donne la vie. Ensuite, vous avez le règne animal. Pour certains qui veulent manger les animaux, Nzambakana a autorisé, mais selon une catégorie bien précise. Voyez-vous, il y a le règne humain. Voilà, machin. Il y a le règne également divin, les anges et tout ça. Donc ça, c'est un ensemble constitutionnel du pouvoir macrocosmique. Et indépendamment de ce pouvoir macrocosmique, nous avons, nous, en tant que microcosme. Donc, moi, le poisson, qu'on appelle ça, le cabri, la poule, nous sommes des microcosmes dispersés ça et là, mais qui constituent le macrocosme Nzambakana dans son expression totale. Voilà pourquoi nous ne mangeons pas les animaux. Parce que les animaux font partie du règne animal. Ce sont, parmi eux, il y a certains qui ont des âmes, qui ont des esprits, et qui ont ce que je viens de vous dire. Ils ont l'épiphyse, c'est-à-dire la troisième ventricule là, ce qu'ils appellent chez eux l'intuition. Eux, ils fonctionnent à travers l'intuition. Par exemple, le chien, le chat. Bref, pardonnez-moi, je suis allé un peu trop loin. Donc, la complexité de Dieu peut s'expliquer par ceci. C'est nous qui rendons les choses compliquées. Mais je vais vous les simplifier maintenant. Maintenant, par contre, le conflit qui existe entre les spiritualistes et les religieux se trouve du fait que les religieux ont tendance à trop se concentrer sur l'aspect extérieur. Ce qui m'amène à vous parler de ce qu'on appelle l'exotérisme. Exotérisme veut dire ce qui vient de l'extérieur. Donc, les religieux vont vous dire que, bon, écoutez, pour comprendre qui est Dieu, nous devons aller le chercher là-bas. Et si on vous apprend la notion, notre Père qui es aux cieux, oh mon Dieu Père, viens au secours, oh Jésus-Christ, je te vois, tu descends. Voilà ce que font les religions. Donc, moi je ne vous condamne pas, je ne fais que dire des faits. Voilà le conflit, et je vais résoudre ce conflit-là. En réalité, pour moi, il n'y a pas un conflit, il y a seulement un problème d'acceptation, un problème de manque d'amour, parce que l'amour qui fait partie de la féminité divine, donc la féminité de Nzambakana, qui est le Saint-Esprit. Donc, développez votre Saint-Esprit pour que l'amour se manifeste. Là, je m'adresse à mes frères chrétiens. Maintenant, la religion nous dira que pour chercher Dieu, pour avoir la compréhension de Dieu, hein, il faut à l'extérieur. Alors, ça nous amène donc à ce qu'on appelle les dogmes. On vous donnera un ensemble de doctrines, on vous donnera un ensemble des enseignements. Lesquels enseignements vont vous permettre de comprendre que, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et nous avons un ensemble de rites. Donc, les rituels. Le prêtre va s'habiller dans une certaine tenue, il va poser des bougies à gauche et à droite. Bien, ça, je l'ai appris dans la magie cérémonielle de l'Inde. Je ne condamne pas puisque je suis passé par là également. Bon, ensuite, vous allez faire beaucoup de choses, y compris ce que je vous ai parlé. Je vous prie d'être sur cette vidéo, la nécromancie. Donc, on fait appel à des ossements. Dans les églises, sous le sous-sol des églises, il y a des ossements, des crânes qui sont là. Donc, c'est autant des moyens de communication, des techniques de talismanie pratique, c'est-à-dire manipulation des éléments de la nature en vue de se connecter avec Nzambakana ou les dieux. Tout ça, c'est toute une ambiance d'éléments qui permettent l'expression de Dieu chez les religieux à travers l'exotérisme. Bon, maintenant, chez les spiritualistes, la situation est différente. Nous, je fais partie de cela. Nous qui sommes dans la voie de la spiritualité, nous qui travaillons beaucoup plus de l'intérieur vers l'extérieur, alors que les religieux travaillent, eux, de l'extérieur vers l'intérieur. Ah, donc, il y a une symétrie. C'est très compliqué, ça. Mais je vais vous simplifier les choses. La même personne qui va plier les genoux devant Ave Maria, devant Antoine de Padoue, Saint Antoine de Padoue, ou Saint Jude, ou Saint Joseph, Vous verrez que si cette personne, par le phénomène, ce que je vous ai appris, par le phénomène de la magie égrégorique, donc la greffe, cette greffe qui se crée entre votre subconscient individuel et le subconscient collectif qui est greffé sur l'égrégore, c'est-à-dire le cas de Jésus, je vous ai dit par exemple, ah ça, je répondrai à cette question tout à l'heure, quelqu'un qui m'a posé la question, mais on vous voit, vous êtes un initié, qu'est-ce que vous avez appris au nom de Jésus? Oh, madame, je viens de répondre et je vous expliquerai. Ça fait partie de ce qu'on appelle les magies grégoriques, que je maîtrise très bien. Donc, en cela, je dirais ceci. La religion se concentre beaucoup plus de l'extérieur. Par contre, les spiritualistes, beaucoup d'entre vous, les gens qui sont dans le bouti, les gens qui sont dans les sociétés secrètes, les gens qui sont dans les loges maçonniques, ésotériques, ou encore qui sont dans le Saint-Martinisme, qui est une partie de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, tout ce monde-là, pour la plupart, ils font un travail interne et on les appelle donc les spiritualistes. Donc, eux, ils font plutôt le travail ésotérique. Mais rassurez-vous qu'au sein des églises, il y a certains qui sont malins. Il y a certains pasteurs qui font les deux. Il y a certains prêtres qui font les deux. C'est-à-dire, ils font le travail exotérique et ésotérique. Mais la différence, c'est que le côté ésotérique, ils gardent secret pour eux. Ce qui explique, par exemple, les miracles. Je vous ai expliqué dans plusieurs vidéos, par exemple, comment un miracle peut s'opérer. C'est si simple. Je les utilise, je guéris des gens par miracle, par le timbre de ma voix, la personne retrouve son machin, son problème est résolu. C'est quoi? Ça, c'est la mystique chrétienne. Donc, retenez bien qu'à chaque fois que je vous parlerai de la mystique chrétienne, c'est la compréhension des mystères cachés. C'est l'application des mêmes versets, mais de manière métaphysique, afin de vous permettre de résoudre vos problèmes au quotidien. Vous n'avez pas besoin d'aller faire appel à un pasteur ou à un prêtre. Donc, c'est cet aspect-là que beaucoup de pasteurs et de prêtres ne veulent pas vous dire. Ils les cachent seulement pour eux, pour que vous soyez toujours dépendants, afin que vous allez toujours plier le genou auprès d'eux. Mon père, pasteur, vous lui donnez le pouvoir. Le fait que vous allez voir ce pasteur, le fait que vous allez voir ce prêtre, vous êtes en train de l'élever, vous êtes en train de l'égrégoriser. En d'autres termes, vous extériorisez votre énergie à vous afin de la nourrir auprès de ce type qui devient finalement votre Dieu. Vous comprenez? Ils se font passer pour des représentants de Dieu sur terre. Alors que vous-même, vous êtes un représentant de Dieu sur terre. Alors que vous-même, vous êtes une particule divine du Dieu suprême. Alors que vous-même, vous êtes même l'existentialité du Dieu suprême exprimé en vous. Tout est exprimé en vous. Donc, il ne sert à rien de pouvoir aller vous extérioriser auprès des saints. Vous voyez, c'est très, très, très important. Donc, ça, c'est bien compris. Maintenant, nous, les ésotéristes, nous qui croyons qu'il faut partir de l'intérieur vers l'extérieur, et non de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui est tout à fait sensé, parce que dans le yoga que je pratique depuis 1978, je vous l'ai dit, dans le pranayama yoga, dans le hatha yoga, dans le asana yoga, dans le gosiya yoga, tous ces yogas, on nous apprend que tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Et common sense, comme on a, même pour réveiller vos sept chakras, ou les centres énergétiques de votre corps. La dernière fois, je vous ai dit quoi? Ça ne part pas de la tête. Ça part du bas vers le haut. Et c'est ainsi que la chaîne de la vie a commencé. On ne va jamais du haut vers le bas. Vous allez vous casser la figure. Donc, dans l'éveil des chakras, c'est la même chose. La procédure part de la base. Tout part de la base. Donc, nous avons ce qu'on appelle le coccyx. Le premier chakra qui s'éveille par des érections bizarres. Bon, je ne peux plus développer ça, j'en parle dans d'autres vidéos. Et ensuite, quand vous allez maîtriser vos érections, vous ne faites pas l'amour, vous ne jouissez pas, et vous montez. Deuxième, vous commencez à entendre des voix, vous montez. Troisième, vous commencez à communier dans le monde des plans oniriques, des rêves maintenant qui se réalisent. Vous devenez un petit prophète. Vous montez dans le chakra cardiaque, vous commencez à entendre, à communier avec les grands maîtres, vous opérez, vous pouvez même marcher sur les eaux. Ah oui, à certains moments, suivant seulement certains comptes de machin. Ce que vous appelez les miracles. Mais quand vous êtes devenu une véritable niche, ça devient naturel parce qu'il y a une corrélation entre vous et les dieux, entre vous et celui que nous appelons Dzambakana. Mais maintenant, les dieux là, c'est qui? Ces dieux constituent justement celui que vous appelez le Dieu suprême. Parce que le Dieu suprême agit par délégation, il agit par délégation et responsabilité dispersée ça et là. Les génies, les archanges de ceci, les esprits du feu, les salamandres, les ondines, les esprits des eaux, les elfes, les esprits de l'air, et tout, les gnomes, les esprits de la terre. Tout ceci constitue l'expression d'un Dzambakana. N'allez plus personnifier un dieu quelque part. Vous partez, vous touchez le bois, vous parlez à l'arbre. Vous faites partie de l'ensemble F. Et cet ensemble F, sachez qu'il est en relation avec l'ensemble D, c'est-à-dire Dieu. Mais le Dieu en question, le macrocosme dans le microcosme, Nzambakana. Est-ce que c'est complexe ce que je dis? Je ne crois pas. On se comprend. Donc, nous, les spiritualistes, on se concentre sur ça. Dans le yoga, on vous dira ça. On préfère que il faut se concentrer de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on dit même quand, comment il s'appelle, Jacob qui s'est battu avec les anges. On ne dit pas qu'il est parti d'abord de l'échelle du bas. On nous dit qu'il s'est battu l'échelle des 72 archanges ou génies. Mais il n'est pas parti du ciel. Jacob est parti du bas vers le ciel. Vous comprenez? Même la Bible, elle est logique. Bon, maintenant, nous allons, avant de pouvoir passer maintenant à la partie pratique et répondre rapidement à vos questions. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Bon, je vais faire les efforts dans les 15 minutes. Allons-y. Il est écrit dans le livre de Jean quelque chose d'intéressant. Voici ce que dit Jean. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible. Je vais lire. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole était, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par cette parole-là. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes, la lumière qui luit dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Bon, il y eut un homme, blablabla, il vint pour servir de rendre témoignage de cette lumière. Et cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Cette lumière-là, elle est venue chez les chiens l'ont rejetée. Cette lumière-là, elle est venue, et maintenant ceux qui ont reçu cette lumière, qui ont cru en cette lumière, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Les chrétiens, bien sûr, vont parler de Jésus-Christ. C'est clair. Au commencement était la parole. Ça, quand on dit au commencement, Dieu n'a pas de commencement. Mais c'est comme ça l'être humain trace ses origines ou ses explications. On nous dit au commencement était la parole était Dieu. Et dans d'autres versions, on nous dit au commencement était la force était avec Dieu. Dans d'autres compréhensions, on dit au commencement était l'énergie, et cette énergie était Dieu, cette énergie était avec Dieu. Voyez-vous? On dit au commencement. Donc, le commencement ne commence pas par le haut, ça commence par le bas. Donc maintenant, je vais vous amener un peu dans les exercices pratiques que vous pouvez vous-même faire afin de vous faciliter la compréhension de Dieu. Une fois de plus, la complexité de Dieu est cassée. Dieu n'est pas là-bas au ciel, dans un endroit caché avec une barbe blanche, s'il vous plaît. C'est lui que vous appelez Dieu. Vous-même, vous êtes ce Dieu manifesté. Vous-même, vous êtes ce Dieu exprimé. Je l'ai toujours dit mille et une fois. Beaucoup de livres vont vous dire la même chose. Bon, je ne lis plus trop les livres, ça fait bientôt 20 ans. Mais pour ceux qui lisent, on va vous dire ça. Parce que moi, je lis dans le livre akashique. Je lis auprès de grands maîtres. Voilà pourquoi j'aime sortir à Vampire tous les week-ends. Là, je pars, je suis là-bas. Donc, ce sont eux qui vont vous dire la même chose. Voici donc l'un des exercices pratiques que je vais pouvoir partager avec vous. Je vous ai déjà parlé de ça, qu'il faut identifier les différents corps qui constituent le corps matériel. Ça, c'est très important. J'en ai parlé, qu'il y a plusieurs corps et tout ça. Une fois vous arrivez à comprendre la connexion entre ces corps-là, okay, vous identifiez les différents corps, vous allez étudier chaque corps. Par exemple, le corps mental, qu'est-ce que c'est le corps mental? Et une fois vous avez étudié tous ces corps-là, vous mettez, sans le savoir, hein, parce que ça va être... Moi, c'est comme ça, naturellement, j'ai rejeté le Nimbwe. Et pourtant, moi, j'aime bien le Nimbwe. Mais à chaque fois, j'ai constaté que dès que je faisais mes exercices ésotériques, que je commençais à faire mon affaire de yoga, là, le pranayama yoga, je sortais comme un vampire. Et à chaque fois, je venais rentrer du vampire et que je mange un peu le Nimbwe. Oh, la diarrhée, ça vient. Après, je dis, mais comment? Et les esprits m'ont dit non, parce que le Nimbwe, l'onika et tout ça, là, ça rend le corps lourd. Et même quand il s'agit de faire l'amour avec une femme, il faut éviter de manger des aliments lourds. Les boulettes, là. Les dituka, hein? Laissez-moi ça. Les bananes, les tarots, on ne mange pas des choses comme ça avant de dormir. La journée, bon, peut-être, il faut manger. OK? Donc, ces corps-là, au fur et à mesure, vont comment on appelle ça? De manière naturelle, vont rejeter toutes, comment dirais-je, certaines choses, de manière naturelle. Parce que vous avez déclenché certaines forces en commençant à développer chaque corps. Donc, le développement de chaque corps est très important. Le corps physique, je vous ai toujours recommandé de faire les arts martiaux que je pratique depuis 1974. Moi, je ne pourrais jamais abandonner ces choses-là. C'est devenu comme un réflexe naturel. Si vous ne pouvez pas faire les arts martiaux que vous avez peur, bon, faites même le yoga. Hein? Ou bien du tai chi. Le tai chi, on ne boxe pas les gens. C'est l'énergie interne que vous utilisez afin de manipuler votre votre adversaire. Vous comprenez? Donc, une fois que vous avez développé tous les différents corps, je répète, c'est très important. Une fois, pourquoi je vous donne ces exercices? C'est pour vous permettre de comprendre la complexité de Dieu. Pour simplifier, vous n'avez plus besoin de vous mettre à genoux, aller crier vers lui. Vous pouvez, si vous voulez, en tant que chrétien, musulman, hein, vous continuez toujours à plier votre genou, vous continuez à mettre votre front par terre, vous continuez à le faire, mais parallèlement à cela, vous faites l'exercice que je vous montre. Il n'y a rien de diabolique. Ça s'appelle le développement intense interne, un développement interne de vos corps. Je dis bien les corps avec S à la fin, parce que vous en avez plusieurs. Hein? Je puis vous développer. À l'intérieur de notre corps physique, qui est le corps grossier, le corps là, c'est un sarcophage, c'est un cercueil. Hein? Comme on le dit en Égypte, c'est un sarcophage, parce qu'à l'intérieur de ce sarcophage-là, il y a d'autres corps. Mais ces corps, vous devez les identifier, les étudier, les développer à travers certaines alimentations, à travers certains exercices physiques, à travers certains exercices mentaux. Et je vais aller avec vous petit à petit. Soyez patient avec moi. Premier exercice, c'est faire ce qu'on appelle la méditation. N'osez pas pratiquer des méditations qui sont écrites par des gens qui n'ont pas été initiés. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se font de l'argent avec cette affaire-là. La méditation est l'un des exercices les plus dangereux. Ça demande un guide, s'il vous plaît. Parce qu'une méditation, c'est quoi? Je l'ai toujours dit dans plusieurs enseignements. C'est simplement l'ouverture de votre esprit de manière neutre. Bon, maintenant, si vous n'êtes pas, vous n'avez pas un guide, si vous n'avez pas quelqu'un d'assez fort. Donc là, je donne la raison aux religieux. Les religieux vont vous dire que, oh, même si la Bible l'autorise, dans Josué chapitre 1, le verset 8, médite. Que ce livre de la loi ne s'échappe point de ta bouche. Médite le jour et nuit et applique tout ce qui est dedans. Quand tu vas l'appliquer, tu verras que ta vie va réussir. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et tout marchera bien pour toi. Et puis Tite, chapitre 2, de l'apôtre Paul lui dit, demeure ferme dans ces choses. Il faut y méditer jour et nuit. Et le même conseil a été donné à Timothée, le jeune ministre chrétien, que Paul avait donné la responsabilité de s'occuper des congrégations de Corinthe. Il lui a dit, mon petit, et toi là, il faut t'y atteler de méditer. Donc, la méditation, les chrétiens savent que c'est recommandé, mais en même temps, ils vous mettent en garde en vous disant qu'attention, quand vous méditez, les démons peuvent vous visiter. Ils n'ont pas tort. Parce que la méditation est une ouverture de votre esprit de manière neutre. Vous n'avez point le droit de bloquer. C'est différent de la concentration. Parce que la concentration, vous concentrez votre esprit pour un seul. Mais la méditation, c'est une ouverture. Et il y a des méditations contemplatives. Vous êtes là, vous contemplez, mais sous une forme analytique. Au même moment que vous regardez, vous analysez, mais de manière neutre, sans juger. Vous regardez seulement. Vous êtes un spectacle, un spectateur au tableau. Donc, premier exercice que je vous recommande de faire, c'est la méditation. Deuxième, c'est la concentration. Troisième, c'est la visualisation. Je comprends, j'espère que vous comprenez ce que cette terminologie veut dire. Surtout, je vais insister sur la visualisation, avant d'arriver à la quatrième technique qui est la plus difficile. La visualisation vient du terme créer l'image, vient de visualiser, visualiare. Donc, visualiser veut dire quoi? Une fois que vous avez maîtrisé les techniques de compte, parce que là j'ai mis dans l'ordre, hein, vous commencez souvent à pratiquer beaucoup la méditation pendant au moins 3 mois, 6 mois, jusqu'à ce que votre esprit va commencer à être clair. Après, vous passez maintenant à la concentration. La concentration consistant pour vous, va consister pour vous pendant que vous méditez. Vous allez maintenant vous concentrer à une seule image. Alors, la notion de méditation disparaît, vous vous concentrez maintenant. Vous allez donc vous focaliser, par exemple, sur ce qu'on appelle la grande cathédrale universelle. Ça rentre dans la mystique chrétienne. Elle existe, cette cathédrale universelle. C'est une cathédrale, votre humble serviteur aime pratiquer cet exercice-là tous les mercredis et tous les vendredis. Cette cathédrale vous permet de rentrer en communion avec tous ceux qui vous ont précédé là-bas dans le monde, machin. Vous verrez les papes, vous verrez les gens, je ne parle pas des gens qui ont fait le mal, hein, je parle des vrais hommes religieux. Vous trouverez des pasteurs, vous trouverez des religieux, des chrétiens, vous trouverez des musulmans. C'est authentique. Vous trouverez même les gens du Bouddhisme. Vous les trouverez des gens de toute obédience religieuse. Ils vont être dans cette grande cathédrale-là. Tout le monde en train de prier avec différents styles. Et les gens sont dans une grande lumière, une lumière jaunâtre, blanchâtre. Et au-dessus de cette grande cathédrale, on a comme l'impression qu'il y a une figure qui est à la fois humaine, divine ou animale, on ne sait pas, c'est compliqué. Mais quand vous allez pratiquer cet exercice-là, Bon, bien sûr, là, ça peut faire l'objet de notre enseignement, mais j'ai peur que les gens tentent ça ici. Je préférerais que vous m'appelez en privé et je peux vous montrer comment rentrer en contact avec cette cathédrale et comment représenter cette cathédrale-là dans votre tête. C'est par la technique de visualisation d'abord. Donc, il faut créer, visualiser veut dire créer l'image. Mais pour créer l'image, puisque l'image existe déjà, il y a une cathédrale. Il faut d'abord qu'on vous dise, il s'agit de quelle cathédrale? Quelle est la forme de cette cathédrale? C'est à travers la visualisation que cette cathédrale, au fur et à mesure, va apparaître en vous, dans votre subconscient. Et une fois que vous avez votre subconscient en connexion, sous couvert comment dirais-je, de l'air psychomotrice, vous verrez que tout est désormais possible en votre dimension, en votre machin. Donc, enfin, une fois que vous avez fait les techniques, développé les techniques de méditation, techniques de concentration, techniques de visualisation, enfin, vous allez maintenant passer à la technique de la création. Ah. Technique de création, mais c'est là, vous comprendrez que Dieu pour vous n'existe plus. Pas dans le sens de que vous reniez l'existence du Dieu suprême, énergie suprême, machin, macrocosme et tout, non. Mais vous n'avez plus besoin de lui. Vous arrivez donc à l'étape de la création. Donc l'étape de la création, c'est quoi? À un moment donné, pour aider mes clients, j'utilise certains rites. Mais à un moment donné, je n'ai pas besoin de ça. Je passe par la technique de la création. Donc, la technique de la création, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre cette technique de la création. Vous voulez construire une maison. OK? Vous voulez construire une maison. Ou bien, vous êtes un architecte. Monsieur Nzeman vient vous voir. Mademoiselle Chantal Obia, oui, écoutez, je veux que vous me construisiez une maison. Mais vous êtes l'architecte. J'aimerais que vous me fassiez un plan. Maintenant, l'architecte va vous dire, bon, écoutez, une maison de combien de chambres? Or, je veux une maison de 4 chambres. OK? Vous écrivez 4 chambres. La maison doit avoir combien de douches? Combien de niveaux d'abord? Oh, une maison de 2 niveaux. Okay. Maintenant, en dehors de 2 niveaux, vous, qu'est-ce que vous voulez d'autre? J'aimerais avoir 2 garages. OK? Deux garages. Et à l'arrière de cette maison, j'aimerais avoir une piscine d'une dimension de 10 fois 15. Largeur 10, longueur 15. OK? Une piscine de 10 fois 15. Arrière de la maison. Donc, vous donnez tous ces détails. L'architecte que je suis, je m'enregistre sur cela. Vous comprenez? Mais maintenant, une fois que j'enregistre, je vous dis, bon, accordez-moi du temps, s'il vous plaît. OK, d'accord. Et je vous donnerai mon devis. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais? Là, je vous donne l'exemple pour parler de ce qu'on appelle la création. Maintenant, je vais pouvoir faire mon travail. Donc, je vais créer le schéma de tout ce que vous m'avez donné. Vous avez tout écrit. Nous avons écrit ça ensemble. Maintenant, c'est à moi de figure out. C'est à moi de chercher à savoir et à représenter cette matérialité sur un chemin. Le blueprint, on appelle ça en anglais. Donc, mon blueprint ou bien le plan cadastral, je vais pouvoir le faire. Donc, je dessine, je dessine, je dessine, je présente, je présente. Je suis là, je me concentre, je ne veux même pas de bruit. Et vous verrez que la plupart des architectes, c'est des gens qui sont des mystiques, hein, des gens très spirituels, qui ont l'esprit très aiguisé. Donc, une fois le plan est fait, je vais prendre mon téléphone. OK? Oui, allô, Madame Obia, vous pouvez venir, votre plan est prêt. Et tout ce qu'il vous faut, le nombre de briques, le nombre de ceci. Mais en tout cas, venez me voir ce soir à partir de 21h. On se retrouve. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc maintenant, Madame Obi arrive. Vous présentez votre devis. Elle regarde. Est-ce que honnêtement, Madame Obi va comprendre à travers le plan la maison comment va devenir? Ce n'est qu'un papier. Le blueprint. Ça, ce n'est qu'un plan cadastral que la personne a mis sur un papier comme ça. Donc, c'est uniquement quand les travaux vont être exécutés qu'au fur et à mesure, il faut... Et là encore, ça revient à la logique des chrétiens qui cherchent Dieu ailleurs. On ne cherche pas on ne commence pas une chose en haut, il faut commencer par le bas. quand vous allez commencer à faire les travaux de votre maison, vous n'allez pas commencer à poser le premier étage au ciel. Non, vous commencez par des fondations à la base. Donc, une fois que vous faites des fondations solides, avec du concrete, comme on appelle le concrete même en français, c'est pas grave. Donc, vous faites vos fondations du sous-sol, et ensuite, ça monte le premier niveau, ensuite, le niveau à étage, ensuite, deuxième niveau de l'étage, et 6 mois, voire 1 an plus tard, voilà une belle maison qui est vue. Tout le monde l'admire. Waouh! Oh, mais mon Dieu! Mais est-ce que vous savez que ça, c'est le fruit de l'architecte? C'est le fruit d'un architecte qui, jour et nuit, se mettait à réfléchir et il a créé. Donc, c'est un créateur. Dans le plan mystique, qu'est-ce que ça veut dire? La technique de la création consiste pour vous désormais, à chaque fois, conformément à Hébreux chapitre 11, le verset 6, je ne vais pas lire ça, mais je connais le verset par la Bible. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit quoi? Que celui qui a la foi, que celui qui croit que Dieu existe, doit, en ce moment, il ne doit plus dire que Dieu me donne, il doit plutôt dire ceci, que Dieu, quand il prie dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il nous est dit que celui qui croit en Dieu croit déjà qu'il a déjà reçu avant même que Dieu lui donne. Il ne doit même plus dire « Dieu donne-moi ». Il doit déjà déclarer « Seigneur, merci de m'avoir donné. Seigneur, merci, l'honneur, la gloire, la puissance te revient. Merci, j'ai déjà reçu. » Il visualise, donc à travers la technique de la visualisation, il crée l'image qu'il se voit déjà le nouveau directeur de la SGPP. C'est maintenant lui, il voit l'image que le ministre de l'énergie, je ne sais pas qui, M. Wang Yi, est en train de le recevoir, le serrer la main. Il vit cela dans une ambiance mentale et il a créé une structure réelle de sa nouvelle profession. Ce qui fait que M. Wang Yi, qu'il soit maçon ou pas, il va toujours recevoir ces flashs-là. Mais ce n'est pas possible, j'ai tous les flashs de ce type-là, qu'est-ce qui se passe? Il a déposé, attends, cherchez-moi le dossier de M. Mabunda là. Oh, et pourtant, il y en a mille et un dossier, mais c'est le dossier de Mabunda. Mais puisque Mabunda connaît ma technique, il applique les techniques de la création, voilà comment, par sa visualisation, il a activé que son dossier soit accepté. M. Mabunda a passé me voir. Vous êtes surpris, 6 mois plus tard, on vous appelle. M. Mabunda, vous êtes convié à venir au ministère des hydrocarbures ou du pétrole. Ah bon? Oui, ok, merci. Mais vous êtes confiant. Donc, vous avez créé ce qu'on appelle la technique de la création. À partir d'aujourd'hui, toutes ces techniques que je vous enseigne, s'il vous plaît, c'est pour simplifier l'existence de Dieu. Parce que vous êtes un petit Dieu, vous êtes une partie de Dieu, vous êtes Dieu incarné, vous êtes Dieu manifesté, vous êtes Dieu exprimé. Tout ce que vous pensez, vous l'avez. C'était comme ça au commencement, Adam, l'ancêtre. C'était comme ça se passait. Voyez-vous? Donc, il n'y a aucune complication dans ces histoires-là. Bon, maintenant, nous allons passer aux questions rapidement. Première question. Vous avez... quelqu'un m'a posé la question suivante. Les mêmes mots. Pourquoi vous priez au nom de Jésus-Christ alors que vous reniez son existence? Bon, je vais répondre à cette question. Mais pendant ce temps, vous pouvez déjà balancer vos questions sur l'écran, s'il vous plaît. Donc, à cette personne-là, je vais répondre ceci. Je n'ai pas renié l'existence de l'esprit de qu'appelait Jésus-Christ. Mais j'ai renié l'existence, oui, familiale, héréditaire. Ça n'a jamais existé. Allez-y vérifier les dossiers authentiques. Même les Romains savent comment ils ont fabriqué cette affaire-là en l'an 325. Même avant 325, ils savent ce qu'ils ont fait. Les villes qui n'ont jamais existé. Hein? Nazareth n'a jamais existé. Ils ont confondu le mot Nazaréa et Nazareth. Nazaréa, c'était une secte qui existait avant, au niveau de l'Égypte et tout cela. Donc, quand je dis que Jésus, que vous priez, mais j'explique cela, les magies grégoriques, c'est cela. La magie grégorique, c'est quoi? Les Romains, en 325, quand ils décident de décréter que nous allons désormais baptiser cette religion, la religion catholique apostolique romaine, maintenant, ils s'asseyent, ils créent les rites, ils créent tout, ils créent l'enseignement, ils créent une Bible, ils fabriquent une Bible, un document. Donc, vous trouvez tous les jours, c'est écrit même par celui qui a écrit cette version-là. Il s'appelle comment? Louis II. Voilà, Louis II lui-même le dit. Il le dit. Voilà, c'est pas moi, c'est écrit en bas là. Édition revue. Vous voyez pas? Édition revue et corrigée. C'est pas moi qui le dis. Louis II, docteur en théologie, il a traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs, mais c'est une édition qui a été revue et donc par conséquent trafiquée en 1887. C'est pas moi qui invente, mes frères. Donc, vous dire que l'existence de Jésus en tant qu'esprit. Je ne nie pas. C'est un égrégore qui existe depuis 325, que ça a été confirmé, renfermé, et puis aujourd'hui, ça crée des miracles. La même chose lorsque je fais la magie des génies familiers. Moi, je vous dis, je fais la magie des génies familiers. Qu'est-ce que c'est, la magie des génies familiers? C'est à partir d'une statuette, l'esprit qui n'existe pas, je fabrique une statuette, tout comme ça se passe dans nos traditions du Bwiti, la statuette, elle est faite, et je fais des charges dans cette statuette. À travers des techniques de talismanie pratique, je charge des énergies, je charge des noms, je charge des esprits, et tout, et tout, et tout, selon les règles, minérales, végétales, et tout ça, et même certains pots de bêtes ou des animaux, je mets, je vais, si je veux mettre le sang, je mets le sang. Donc, je crée l'existence d'une entité dans le plan invisible. Cette entité prend naissance, et ça crée ce qu'on appelle un esprit grégorien. Donc, grégorien, c'est une entité qui existe bel et bien, sous la forme que nous l'avons désignée. Et puis, la forme de Jésus qui a été désignée, c'est à travers Ptolémée Sautère, alias le Sauveur, qui était un grec, le type. On a vu son effigie et on a pris, on a formé un certain Jésus. Voilà la réalité. Et puis, c'est devenu une religion officielle. Alors, vous voulez que quoi? Ça existe. Même quand vous allez mourir, vous allez rencontrer ce fameux Jésus, c'est un esprit. Mais en tant qu'être physique réel, non. Parce que son histoire a été créée, photocopiée à travers le rite de Horus et Isiris et Osis, qui ont fait un enfant appelé Horus de manière miraculeuse. Allez-y lire les vieux documents, mon Dieu, qui sont là, qui datent de plus de 15 000 ans, 20 000 ans. L'affaire de Jésus, bon, écoutez, on ne va pas en parler ici. Je parle de son existence physique. Les religieux, bien sûr, modicus, vont vous dire cela. Je dis que je ne peux pas m'engager dans ce débat. J'en ai discuté avec des gens. Il y a des théologiens, des professeurs, des docteurs ici aux États-Unis, partout dans le monde, qui connaissent cette histoire. Il n'y a que nous, les Noirs, qui allons nous casser la figure et on abandonne nos traditions, mais mon Dieu, Nzambakana. Maintenant, l'histoire de Jésus, c'est quoi? Ça remonte à l'Antique romaine. C'est une affaire connue de tous. Religion d'État, première rencontre officielle, on impose les gens, cette doctrine. Il y a eu une rencontre en 325, il y a encore eu une autre rencontre, je crois, en 475, une autre en 825, et ensuite en août 1971, comme ils ont constaté que nous, les Africains, on lutte trop. Moi, j'étais à l'Ambaréné à l'époque. C'est le père Manson qu'on envoie. C'est celui qui était même désigné après le père François à l'école d'Isaac à l'Ambaréné. On l'envoie, ils vont là-bas, le pape dans le temps leur dit, écoutez, nous les Africains la résistent toujours avec leurs histoires de fétiches. On doit faire tout pour les africaniser, plutôt, on doit faire tout pour christianiser les rites des Africains. Bon, moi j'avais dit dans ce temps-là, j'ai dit non, il faut plutôt africaniser. Donc, on choisit ce qui est bon, on fait ce qu'on appelle le syncrétisme. Et j'ai d'ailleurs une vidéo disponible où je parle de ça, le syncrétisme. Donc, l'affaire de l'esprit de Jésus, là, s'il vous plaît, la question, elle est claire. L'esprit et grégorique Jésus, oui, ça existe. Donc, parfois, quand je prie, c'est pour satisfaire les chrétiens, non? Puisque je suis un homme qui m'adresse à toute audience. Moi, je vous ai dit que je maîtrise des égrégores kabbalistiques, des égrégores mystiques chrétiens, des égrégores mystiques musulmans. Moi, je crie avec les musulmans, à travers le soufisme. Et les miracles se produisent. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse vous dire? J'attends toujours vos questions là, hein? Le temps ne fait que courir. Donc, à cette question, je dirais, ne me jugez point que parce que j'ai prié au nom de Jésus. J'ai prié au nom de Jésus, l'égrégore, l'esprit qui existe bel et bien. Mais je ne parle pas d'un Jésus qui aurait existé, je ne sais dans quel village. Ça, c'est connerie, à moins que vous prouviez le contraire. Les cartes anciennes sont là, les cartes qui datent du premier siècle. Donc, écoutez. Nos frères blancs ont su comment nous manipuler. La preuve en est qu'aujourd'hui, on trouve plus d'églises en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Vous allez me dire combien de blancs qui sont des pasteurs? Il y a moins de blancs que plus de noirs parce qu'on continue à être terrorisés par ces choses-là et manipulés. Je vous remercie à cette question. Et je ne sais pas s'il y a eu une autre question là. Je crois que quelqu'un m'a posé une autre question. Oh là là. Bon. La mère du Gabon me demande de lui fabriquer le talisman pour le commerce. Bon, il y a maman de, je ne vais pas citer son nom, elle est du sud du Gabon. Elle m'a demandé de lui confectionner un talisman pour le commerce. S'il vous plaît, je préfère que vous m'envoyez votre numéro personnel sur Tata Nzambe, là où on communique. Maman du Gabon, du sud du Gabon, elle sait de qui je parle, je ne vais pas dire le nom. Maman du sud du Gabon, si tu me suis, s'il te plaît, donne-moi ton numéro de téléphone. Comme ça, je vais prendre certaines informations de toi et on verra comment on peut faire pour te confectionner un talisman pour le commerce. OK? Voilà, l'autre question est celle-ci. Vous avez un projet, je ne sais pas où vient la question, mais encore le conseil que je pose à cette question, c'est que vous avez un projet des études, des opportunités, mais vous avez comme l'impression que tout est bloqué. C'est la question que la personne m'a posée. Il veut faire les choses, mais rien ne démarre. Vous voulez venir ici aux États-Unis, le visa, on vous bloque. Mais je vous dis que c'est votre bouche. Évitez de trop parler de vos projets. Voilà la réponse que je peux donner à cette question-là. Évitez de parler de vos projets, s'il vous plaît. Trop parler, vous gaspillez l'énergie. C'est comme ça que vous créez des inimitiés, vous créez des ennemis. Et voilà pourquoi la situation en Afrique, beaucoup de gens sont bloqués. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la conscience collective, qui est un poison dangereux pour l'évolution de l'espèce humaine. Et cette conscience collective, pour la plupart, c'est souvent une conscience collective haineuse. Donc il y a plein de haine. Les gens ne veulent pas voir les autres réussir. C'est pour cela, vous verrez que vos projets n'avancent pas. Tout est bloqué. Vous voulez que je vous dise quoi? Donc voilà, c'est ça la situation que je peux vous dire à ce propos. Et puis, nous avançons quoi? Donc, maîtrisez bien votre bouche, votre langue, parce qu'il y a trois éléments qui tuent l'homme. Il y a la langue, je l'ai dit la dernière fois, hein. Il y a la langue, votre cœur et le sexe. Ce sont ces trois organes-là que vous devez maîtriser. Je répète, votre bouche ou bien à travers la langue, votre cœur, ce que vous pensez trop des autres, là, ce que vous murmurez, et ensuite votre sexe. Ce sont ces trois choses-là qui tuent l'homme aujourd'hui en Afrique et qui nous empêchent d'évoluer. Voilà, je vous donne une pause pour pouvoir me balancer les questions. Je reviens dans une minute. Merci beaucoup. Ok, j'attends vos questions. J'attends vos questions, s'il vous plaît. Avant qu'on se quitte, parce que là, je dois respecter le temps. Je vous attendais depuis et vous êtes venu en retard. J'attends toujours vos questions, s'il vous plaît. Et vous n'allez pas m'en vouloir parce que là, je vais être très bref dans les 15 minutes. Parce quoi? Essayons d'être disciplinés en matière de l'heure. OK? J'attends toujours. 2 minutes, 3 minutes encore. Jusqu'ici, je n'ai que 5 questions. Il n'y a même pas d'indice. et le temps qui court. Pardonnez-moi parce qu'on n'a pas respecté. Les gens sont venus très en retard et puis l'endroit où je suis, écoutez, je loue l'endroit. Et là, ils sont en train de me faire la pression que dans les 12, les 14 minutes, je dois libérer l'endroit parce que j'ai des collègues étudiants qui doivent l'écouter, qui doivent occuper l'endroit. Donc, prochainement, faites des efforts d'être vraiment à l'heure. Quand on vous dit c'est 15 heures, c'est 15 heures. Ok, je vais répondre à vos questions. Quelqu'un insiste sur les étoiles. Je ne sais pas ce que vous voulez faire aux étoiles là-bas. Je ne sais pas ce que vous allez chercher au niveau du monde des étoiles. Les étoiles, je l'avais expliqué la dernière fois. Vous pouvez même lire dans n'importe quel livre d'astrologie. On vous expliquera que les étoiles ne sont pas nécessairement ce que vous voyez, que ce sont des étoiles au sens matériel. Ces étoiles symbolisent une lumière. Des grands élus, une lumière de certains maîtres qui ont quitté ce monde mais qui se retrouvent dans l'autre plan. Ces étoiles également existent réellement. Il y en a ce qu'on appelle des étoiles en amas, donc des milliers d'étoiles qui se constituent et qui représentent des vies. Ce sont des vies, ce sont des particules également de Nzambakana. Il y a certaines étoiles, je le répète, qui sont des lumières réflectives des dieux, c'est-à-dire de certains maîtres qui ont atteint certains grands niveaux évolutifs, ils se retrouvent là-bas. Il y a certaines planètes aussi qui brillent comme des étoiles. Par exemple, l'étoile, comment dire, la planète Vénus 4, où nos frères qui sont là-bas sont très avancés. Ils ne commettent pas de guerre, ils ne font pas du désordre. Leur planète brille comme une étoile dans le firmament. La planète Terre, apparemment, ça ne brille pas. Quand vous allez sortir en vampire très loin, vous allez dans d'autres planètes, vous verrez que la planète Terre vraiment ne brille pas du tout. Elle est éteinte. Donc, on a besoin de la lumière des initiés pour pouvoir raviver sa lumière. Bon, c'est tout un enseignement sur les étoiles, pardonnez-moi. Les pierres précieuses, pour recharger, à la personne qui me pose la question, comment recharger les pierres précieuses, il y a deux méthodes. Il y a la méthode de recharge magnétique, c'est-à-dire vous-même, à travers votre magnétisme. D'abord, il faut développer votre magnétisme, l'énergie électromagnétique qui est en vous. C'est celle-là que, même quand vous faites le signe de croix sur la nourriture, sur l'eau, si vous avez ce pouvoir, vous pouvez magnétiser vos bijoux précieux à travers donc votre magnétisme individuel. Deuxième charge, c'est à travers le lait. Donc le soir, vous prenez tous vos bijoux, vous les mettez dans un bol rempli par le lait, que ce soit lait de vache ou lait végétal, ça dépend de votre choix. Vous mettez tous les bijoux là-dedans et vous les mettez au chevet de votre lit. Vous laissez ça là pendant l'heure à laquelle vous serez en train de dormir. Donc laissez ces bijoux là à l'intérieur et n'y pensez pas à ces bijoux. C'est comme ça que vous les rechargez. Et c'est comme ça que vous nourrissez également ces bijoux-là, quelle que soit la nature, hein, que ce soit en argent ou en or. Voilà. Maintenant, troisième question. Comment différencier les rêves et les projections astrales? Oh là là, la question pleuve, je vous ai dit, maintenant là je suis en train de partir. Mais vous étiez où, camarade? Oh là là. Bon, la différence des rêves et les projections astrales, elle est toute simple. Un rêve onirique, dans le plan onirique, c'est un rêve qui a deux analyses, deux sens. Ça peut être votre subconscient qui vous révèle certains messages, soit enfoui en vous, causé par vos actes passés et les actions passées, ou encore, c'est par rapport aux projections que vous faites de votre vie dans le futur, ça commence à vous révéler certaines choses. Par contre, une sortie astrale, ce n'est pas un acte involontaire, s'il vous plaît. Le rêve est un acte involontaire dont le subconscient contrôle l'aventure. Mais par contre, un rêve, je veux dire, une projection astrale ne doit pas être un acte volontaire. Sauf dans certaines circonstances, vous pouvez vous projeter astralement, involontairement. Et souvent, apprenez à discipliner cela. Il y a des enseignements disponibles. Comment contrôler votre projection astrale de manière indésirable? Je l'explique plusieurs vidéos dans cette chaîne-là. Ok? Donc, la projection astrale est un acte volontaire. Vous-même, vous êtes conscient. Vous faites la technique telle que je l'ai apprise sur les bienfaits et les méfaits, je répète, bienfaits et méfaits de la projection astrale. C'est un enseignement qui est disponible sur cette chaîne. Allez me suivre ça et vous verrez que c'est une très bonne aventure pour tout initié ou toute personne. Maintenant, quelqu'un m'a posé la question, puis-je vous initier à sortir d'un vampire? Je peux bien, mais il faut être avec moi sur place. Je ne peux pas le faire au téléphone. Si vous voulez faire un déplacement, je vais vous montrer comment ça se passe. Ce n'est pas compliqué. Et j'ai un enseignement là-dessus, je montre comment les gens sortir en vampire ou biloquer ou faire une projection astrale. Les ancêtres répondent-ils à nos demandes? Mais j'ai donné 3 vidéos disponibles, comment communiquer avec nos ancêtres. Il y a eu les témoignages, les gens m'ont appelé, qui continuent à m'appeler, qui m'ont dit que voilà, ils voient que ça marche. Il y a même eu des signes, dès le premier jour que j'ai fait l'enseignement, la même nuit, ils ont tenté l'expérience, ils ont appelé les ancêtres, ils ont constaté l'odeur du tabac dans leur pièce, partout en bâchant. Et je leur ai dit non, c'était un signe que les ancêtres qui voulaient que ceux-ci puissent désormais, quand ils vont les convoquer, mettre et associer le tabac dans leur rite d'appel. Il y a une technique toute simple qui s'appelle, j'ai dit, comment invoquer nos ancêtres quand on est hors de l'Afrique. Vous pouvez le faire de votre appartement ici aux États-Unis ou en France. Donc cette question est répondue. Suivez-moi cette vidéo et je donne des instructions. Pour ce qui est de Food and Drug Administration, je discute avec eux. Vous pouvez le faire si vous vivez aux États-Unis. Ils m'ont dit que l'ibogaïne, ils ne veulent pas tolérer ça, mais l'iboga circule tranquillement dans l'état de, comment on appelle ça, de la Floride, à Miami. C'est là-bas où se trouve un grand laboratoire qui est entretenu par certains membres du gouvernement du Gabon. Ça, tout le monde le sait. Donc, je n'ai rien à cacher. Le FBI, le FDA, par contre, condamne la consommation de l'ibogaïne à cause des décès qu'il y a eu. J'en parle dans une vidéo là. Dieu en moi, Dieu est le diable en moi. Oui, mais je vous ai dit que vous êtes la porte et vous êtes l'entrée. Vous êtes la sortie et l'entrée. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes l'église de Dieu. Vous êtes dans ce temple que vous êtes, vous en vous. Vous pouvez tolérer la présence de Dieu, tout comme la présence du diable. Cela dépend de vos orientations mystiques et spirituelles et de votre orientation mentale. Donc, dans vos pratiques régulières, si vous faites des pratiques de ténèbres, eh bien, sachez bien que celui que vous appelez le diable, esprit du mal, ne pourra que profiter de pénétrer en vous. Mais par contre, si vous marchez en suivant les instructions que votre humble serviteur vient vous prêcher tous les jours ici, je crois que vous n'aurez aucun incident, il n'y aurait aucun problème et tout doit normalement bien se passer pour vous sans incidence. Donc, Dieu en vous, oui. Le diable aussi en vous, oui. Parce que vous êtes à la fois le yin et le yang. Vous êtes à la fois le mal et le bien. Vous êtes à la fois Adam et Ève. Vous êtes à la fois donc le diable et Dieu. Cela maintenant dépend de vous. Parce que vous avez le libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Mais ça, c'est un enseignement très complexe, parce qu'en réalité, qui est le diable? C'est la question qu'il faut se poser. Ça peut peut-être faire l'objet de notre enseignement. Mais je crois que j'en ai déjà répondu à cette question dans beaucoup de ces vidéos où j'explique qui est le diable. Existe-t-il vraiment? Selon Ézéchiel chapitre 28, du verset 13 jusqu'à 17, qui était-il? La description est bel et bien apportée par Ézéchiel le prophète dans ses écrits sacrés. Je crois que nous avons presque terminé. Non, aucun maître spirituel ne doit aimer le luxe, s'il vous plaît. Un véritable maître. Moi, je ne sais pas quel est l'iboga qui va te faire noircir là, toi aussi. Ça n'a rien à voir. L'iboga ne fait jamais noircir quelqu'un. Moi, je ne sais pas quel iboga vous êtes allé manger. Le seul iboga du Gabon que je connais, ça ne m'a jamais fait noircir. Bref. Tiens, j'ai même raté une question là que j'allais répondre. Wow, on est Satan mais aussi le Christ. Oui, la réponse est oui. Ça dépend de votre orientation. J'ai déjà répondu à cette question. Vous êtes le temple de Dieu. Vous avez un temple en vous. Vous êtes une manifestation de Dieu exprimée. Vous êtes l'expression de Dieu. Donc vous pouvez faire de votre divinité un diable ou un démon ou un Christ. Ça, c'est votre choix à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps malheureusement qui nous est imparti. Prochainement, faites l'effort d'être à l'heure parce que je suis pénalisé, j'ai la pression des gens qui vont occuper la salle. Aujourd'hui, donc, nous avons appris que la complicité de Dieu, elle est causée par l'homme lui-même. En réalité, connaître qui est Dieu, c'est aussi simple. C'est de comprendre la fonctionnalité cosmique universelle selon les lois cosmologiques et même selon les lois et la compréhension de ce qu'on appelle le macrocosme et le microcosme. Nous sommes le microcosme, c'est-à-dire Dieu en particulier à nous. Nous sommes la pierre dispersée de cette montagne originelle, parce que Dieu Nzambakana, c'est la grande montagne. Mais cette grande montagne qui finalement s'est dispersée à travers des pierres, à gauche et à droite, nous sommes ces pierres. Nous devons donc nous reconstituer, nous réconcilier, afin de reformer la montagne originale. Et dès lors que nous reformons cette montagne originale, alors nous devenons Nzambakana. Alors toutes les possibilités sont à nous. En passant par les techniques ésotériques que je vous ai apprises, par la technique de la méditation, de la concentration, de la visualisation et de la création, vous allez retrouver votre divinité dans le temps et vous allez évoluer spirituellement vers la lumière, vers la compréhension et des questions les plus complexes. Rien ne vous échappera à votre entendement. Éveillez votre conscience spirituelle, cela est très important, par plusieurs méthodes, par les enseignements ésotériques et surtout par une initiation réelle, suivie par un maître et un guide qui va vous protéger et vous guider. Évitez de lire des livres de blancs qui vont vous confondre l'esprit. Si vous êtes un noir ou un africain, contentez-vous des enseignements d'un vrai initié africain qui vous amène vers la tradition du chemin africain. Toute autre initiation, s'il vous plaît, juste pour votre information culturelle, informelle, mais sinon concentrez-vous dans nos traditions à nous. Et tous les enseignements sont disponibles sur Tata Nzambe, le Tout-Puissant Akana. Révisez-moi ça, lisez, j'ai plein de vidéos là. Toutes les questions que vous me posez, elles sont pourtant répondues déjà. Merci beaucoup, que Nzambe Akana vous bénisse. Et notre, la prochaine semaine, quand on se retrouve, s'il vous plaît, faites l'effort d'être même 10 minutes avant le temps. Ne venez plus en retard. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Soyez salués, soyez bénis. Que Nzambe Akana vous bénisse. Merci. Merci encore. Merci.